Titi, c'est toujours. Ça termine toujours pas. Cendrillon, possédé d'un temps. J'avais un ami, mais il est parti. C'est sans ça. J'avais un ami, mais il est parti. Ce sont ça ma vie. Il m'a tout donné, puis s'est effacé. Mais il faudrait la MIDI file. Je sais pas si on peut le trouver ça. La batterie. J'avais un ami. Benji à 2 balles. C'est quoi le tempo de ça là? Un, deux, 160, non?